Je me sens comme le mois de février, avec sous les dents un peu de liberté. Aujourd'hui, le lundi 3 février 2020, monte s'il te plaît, le volume et la différence. Et c'est parti, moi qui crie! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Je me sens comme sur février. On recommence. Je me sens comme février, tout arraché par cet hiver. Je me vois t'embrasser et regarde, voyons, hey, c'est beau, hein? Imaginez-vous un chanteur sur scène qui galoche comme ça, qui s'étouffe. Ça n'a pas de bon sens. Notre votre leur, matassin, nos voleurs. Je me sens comme février, alité à l'été. J'étais là, bon fort et foire, à chaque histoire, tu le connais. Ah, mais c'est la voix, c'est belle histoire. Eh, c'est beau ces paroles-là, c'est de Gaétan Brisebois. Photographe professionnel, itinérant de l'imaginaire, bref, un colocataire des plus mystérieux. Celui-là, il dort dans le congélateur. Il s'est acheté si vous travaillez dans une épicerie, vous savez ce que c'est qu'un tombeau. Un tombeau, c'est un congélateur, la grandeur d'un homme ou d'une femme. Et puis, on place des produits congelés, on le referme. C'est pour ça qu'on appelle ça un tombeau. Donc, ce colocataire-là, Mme Tremblay, m'a vous raconté un peu, là. On a le temps. Imaginez-vous donc mieux que ça, s'il vous plaît. Imaginez-vous mieux que ça. Imaginez-vous, c'est beau, ça, comme ça. Regarde ça comme ça. Qui s'est acheté un tombeau congélateur. Je vais vous dire congélateur parce que peut-être chercher quel tombeau il s'agit. Donc, pour se coucher. Parce qu'il aime ça rester au frais. J'ai le mort au bout des dents. Ah oui, c'est vrai ça. J'ai la mort au bout des dents et l'espérance dans mon tombeau. J'ai cherché l'imaginaire qui était coincé dans le... Souviens-toi que tu as promis de venir me voir, mais c'est pas ça le texte. Je le lis textuellement. C'est un texte écrit par Dalia Ravivoski. Ça va? Alors, comment elle s'appelle? Mais je vous l'ai dit. Dalia Souviens-toi que tu as promis de venir chez moi pour la fête. Une heure après la tombée de la nuit, j'ai laissé des dettes un peu partout. Peut-être voudras-tu les solder. Puisque tu viendras à l'obscurité, on ne te surveillera pas. Puisque tu viendras à l'obscurité, je te surveillerai. Il est difficile de comprendre pourquoi. La maison est chauffée, mais reste froide. Il me semble que les murs de la maison se tordent de douleur à l'intérieur de la chaux. Et nous-mêmes repoussons chaque chose, jour après jour, et jusqu'au dernier, c'est une supercherie d'agir, comme nous étions voisins. C'est une supercherie d'agir, comme si nous étions les enfants des dieux. Souviens-toi que tu as promis de venir chez moi pour la fête, une heure après la tombée de la nuit. Moi, de mon côté, je ne tiendrai compte ni des fautes, ni des torts avant ta venue. Ne crois même pas à mes paroles, qu'elles soient merveilleuses ou désobligeantes. Je dois, comme n'importe qui, et je ne partage pas la magie, je renonce à l'avance au bonheur, et je ne ressemble pas aux filles des dieux. Et toi, souviens-toi, quand et où? C'est un texte de Dalia Rivivonsky, Tentative et même des milliers d'années, édition Bruno Doucet, 2018, traduction de l'hébreu par Michel Elkar Elial. Souviens-toi. Souviens-toi, c'est un temps, souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était il y était une fois, nous deux, souviens-toi, j'étais mort et né de mon père et de mon amour. C'était encore mieux que ça. Ouais! Ça fait que là, depuis qu'il s'est rentré ce tombeau-là dans son... Il l'a pas acheté dans une tombeau, là. Non, c'était un concessionnaire de tombeaux réfrigérés. Mais on va vous dire l'adresse. Vous connaissez, c'est quoi, Ariel? Vous êtes sur la 3e avenue, OK? Vous êtes de 1 à Québec. Bon, hein, on va placer le pointeur à l'endroit exact. Ah, ça sera pas compliqué. Vous êtes à Limoilou? Excusez, on va généraliser. Vous êtes au Québec. OK? Vous êtes à Québec. Vous êtes à Limoilou. Vous êtes sur la 3e avenue. Juste à côté de CKRL. Hein? J'ai parti du plus gros au plus petit. Ça, c'est de l'intelligence. Moi, je me surprends tout le temps. Comment ça, t'es aussi brillant que ça, mon homme? Je m'appelle mon homme. Tu devrais être député fédéral. Non. T'es trop intelligent. Oui. Je ne veux pas être député fédéral. Voyons donc. T'es pas fédéraliste pour 5 cents. T'es séparatiste. Il y a tous les défauts, lui. Oui, il embrasse les policières, il serre la main des pompières, il cherche son... Hein? Oui. Oui, mais personne n'est intervenu, madame. On est passé par là. Mais personne n'est intervenu. Personne. P-A-R, mettez-en des S. O-N, mettez-en des N-E. Personne. Avec des S à la fin. J'ai dit, quand t'es en danger, tu cries pas au secours, les gens feront rien, tu cries au feu, au feu, au feu. Deux semaines plus tard, Raoul Brisebois a vérifié son tonton. Non, mais avant d'acheter, tu vérifies, c'est bon un mois cette affaire-là. À côté du... Ouais, exactement, c'est correct. Si vous tournez à droite, vous allez voir le magasin où on vend des tombeaux congélés. C'est des tombeaux réfrigérés. Mais pas congélés. Ça l'a pas réussi, non. Non. Mais oui, il a réussi sa maternelle très facilement. Il a tiré un pot de gouache à... Oui, c'était sa maîtresse. Mais pas maîtresse. La, la, la, la. Non, non, la maîtresse, c'est. Hey, fais pas ça, fais pas ci. Non, mais quand tu es à maternelle, on dit. Non, non, ça, c'est pas le crayon jaune, ça, là, là. C'est le crayon gris. Là, le petit te regarde. Hey, madame, madame, madame, madame. Mon popo, là. Mon, parce que moi, je veux un popo. Oh, félicitations. Oh, moi, je veux un popo. Très gentil. J'allais dire pas gentil. Très gentil, mon popo. Mais le problème, c'est que mon popo. Mais problème, je sais pas. Mais c'est que mon popo, il va s'envoler. Mon popo. Non, ça va bien. Oui, oui. Je vois le congélateur que ça va bien, oui. Mon papa m'a dit, va à l'instinct. Si ta maîtresse te dit, prends le vert, si tu crois que cette couleur-là que tu vas toucher dans tes petites mains, c'est le vert, tu le sors et tu lui dis, c'est vert, même si c'est pas vert. Comme ça qu'on forge une intelligence. On va l'appeler ton professeur. Comment qu'elle s'appelle? Non, c'est ta maîtresse. Comment qu'elle s'appelle? Georgette. Hein? Georgette qui? Ben voyons donc, c'est une chanteuse, Georgette Planard. Georgette, c'est vrai. Non, non, attends, mon petit garçon. Il n'y a pas juste un chien qui s'appelle Fido, là. M'envoie l'appeler. Décroche-moi ça, OK, décroche-moi. Elle répondra pas. Ils ont peur de parler aux parents. Hey, c'est pas chaud, hein, actuellement, là. Voyons. Oh, madame. Oui, c'est moi. Vous êtes madame. Oui, c'est moi. OK. J'ai un fils dans mon étable. J'ai 21. Bougez, touchez pas vos cartes. Madame, êtes-vous là? Oui. C'est qui fait des idioties au téléphone? Des idioties? Je suis un parent d'un élève que vous avez sous votre aisselle, accroché à vos poils. Là. Coupez-vous ça, c'est malpropre. Il va m'arriver avec des poux à cause de vous. Mais c'est pas pour ça que je vous appelle. Écoutez-moi, là. Restez. Elle était bouche BW 23418. Ça, c'est la grosseur et la largeur de sa mâchoire quand elle écoutait. Ça ressemblait un peu à ça. Ça, on va leur dire, c'est un des. C'est-tu quelqu'un qui est à la recherche de son lui profond? Y a-t-il un profond? Et si oui, va-t-il flotter? Parce que c'est bien beau rester dans le fond, là, mais il faut se faire voir. Ça fait que là, elle était à l'écoute. Elle écoutait, mais elle comprenait rien. Elle dit, c'est sûr, moi, j'ai pas eu des... Ben, j'ai étudié pour être maîtresse à la maternelle avec des enfants. J'ai le droit, ils me l'ont dit. Vous avez le droit. Puisque vous connaissez vos couleurs. Fait que, ouais, je sais ce que vous voulez me dire, là. C'est votre fils, vous êtes arrivé, puis bon, moi, j'ai lancé comme ça un crayon à aller chercher, puis c'est juste pour savoir, mon cher monsieur, si votre enfant connaît ses couleurs. Malheureusement, non. Alors, c'est une lacune, ça commence à la maison, hein. L'éducation, c'est pas nous autres, là. On n'est pas des policiers. Quoique mon beau-frère, Raymond Pimoto, lui, il travaille, il est dans la sûreté. C'est bien sûr qu'il n'est pas en sécurité là-dedans, là. Il a des girofards, il a mal aux yeux à cause des girofards. Lui, il aimait ça quand il était petit, les arbres de Noël. Pourquoi? Parce que ça faisait des belles lumières dans ses yeux, dans sa tête. Puis là, il s'est dit, j'ai-tu l'intelligence pour être policier? Ça fait que là, il s'est rendu à l'école de la police, là. Là, il a parlé 15 minutes avec... là, ils ont dit, hey, c'est pas une personne, ça, là, c'est un chien Mira. C'est pour aider un colonel qui s'est perdu à un moment donné dans le bois, puis s'est rentré l'épine de Maclès dans l'œil du dragon. Ça fait que là, lui, s'il n'y a pas ça, il peut pas voir, fait que parle pas. La seule chose qu'il peut dire, c'est wouf, wouf, wouf. Ça veut dire, je suis bien heureux. Puis si tu sens, du vent... Là, il est plus heureux encore parce qu'il se balance la queue. Il est bien heureux. Hey, moi, j'aimerais savoir un chien de même dans ma voiture, moi, dire pourquoi. Ça fait de la buée de l'intérieur, moi. Avoir une queue poilue de même, là, ça m'économiserait bien des chiffons. Puis en plus, je commence à avoir une dentinite. Ouais, la dent creuse, mais la dentinite au bras, là, à force de répéter la répétition. Non, mais moi, c'est pas comme au théâtre. Moi, je répète, mais j'essaie de faire autrement. Tu sais, au théâtre, tu dois dire « Ah, c'est moi! » Où sont les oiseaux? Oh zut! Déjà dans le cachot! Puis là, tu sais, quand tu le reprends après ça, c'est hey, où sont les pigeons? Oh zut! Pas dans les buissons! Ils étaient plus d'un milliard à se partager la caisse de denrées alimentaires. Ils en bouffèrent le bois, puis se grugèrent le foie. Ils étaient bien dégueulasses, des fourrures de hyènes et des dents longues et malsaines. Étaient tout leur apparat, comme ils étaient fiers les rats. Mais en chiant sans arrêt, ils avaient tout empesté. Ce n'était pas agréable. Ils se battirent pour le haut, plusieurs têtes furent écrasées dans chacune des ascensions qui pourrirent l'enthousiasme. Apparaissent les maladies, les ulcères de la prostate, les cancers de la patate. Car nombreux sont les scélérats et nombreux sont les gros tas, beaucoup trop les exploiteurs et les rameneurs en trop. Comme ils sont de gros mangeurs, de la faim ils ont très peur. Ils ont même élu un roi pour le faire fêter de joie. Mais pendant qu'ils se battaient pour aller toujours plus haut, moi qui venais de plus bas, découragé de l'odeur et incapable d'ambition et de mordre un pauvre raton, je tombais en fin de compte dans le fin fond de la caisse. Et c'est là qu'ils m'écrasèrent, et c'est là qu'ils triomphèrent, et qu'ils me complexèrent, jusqu'à ce que dans l'atmosphère arrivent les vaisseaux de fer des aliens mangeurs de chair qui jamais ne me touchèrent. Non, jamais on l'a vu se faire toucher l'Alléluia, là, hein? Il chantait, il s'époumonnait. Il chantait pas, il s'époumonnait comme une chanteuse québécoise qu'on connaît bien. Internationale. Mondiale. Animale. Non, elle n'est pas prêteuse. C'est pas son défaut, là, mais elle a demandé à son beau-frère, « Hey, comment ça, tu ne vas pas voir Gaétan Brisebois? Il va te la chanter, la chanson. » Il a regardé, il dit, hey, il peut pas aller le voir, je le connais pas. C'est qui ça? Ben, c'est le beau-frère à Raymond. Raymond, brise bois. Bon, à force de briser du bois et à faire des copeaux et des topos, parce que, toi, t'étais, depuis 3 semaines, puis t'as rien dit à personne. T'attendais quoi? D'être heureuse. Ben, tu le seras jamais. Non. Ben, ta carte du ciel a été faite. C'est que Saturne là, touche à ton Verseau. Mais là, attends un peu. Attends un peu. Non, non, reste ici. Arrête, non, pleure pas. Non, non, tu vas t'en sortir. C'est pas un cancer, là. Non, non, ben c'est un cancer astrologique, là. Ça, pas le choix, la messe noire. Ils vont être obligés de faire la messe noire. Ben voyons. Bleu foncé, on s'entend pour vert. Vert pâle. Vert bouteille. Ton chum va aimer ça, c'est un alcoolique, c'est une bouteille. C'est pas ça, j'ai dit ça, moi. Ouais, ben alcoolique de toi. OK, ça fait référence à l'alcool, l'alcoolisme, mais voyons donc, toi. Depuis quand? Quand Simone de Beauvoir a rencontré Jean-Paul Tartre, lui as-tu demandé, mon gros doudou qui me coupait les lèvres et me niquait les dents? « Pourrais-tu devenir mon amoureux platonique? Hey, » lui, il a voyé dans le platonique, « Voyons, non, on comprenait pas beaucoup. Hein. Il rentrait dans les trans, là, mais ces trans-là, et, comme ses lunettes, translucides. Ah, mon... Hey, puis, mais avec l'épaisseur, là. Il avait une difficulté, lui, à voir la vérité dans toute sa simplicité. Il partait dans des éliculigiligiligas. Il était comme ça. Lui, il partait dans... Il virait sur un dixaine. Un deux pesos. Ça existe-tu des deux pesos, madame, vous qui allez souvent en Afrique du Nord? Comment ça, les pesos, c'est pas en Afrique du Nord? Qu'est-ce que tu connais, toi, dans l'Afrique du Nord ou dans les pesos? Ah oui, avec des tomates séchées. T'as-tu mis du beurre là-dessus? OK. Avec de la tête fromagée. Oui, la tête fromagée. On a parlé en 2019, la tête fromagée. C'est pas donné. Parce qu'il y a beaucoup de fromage. Mais de moins en moins de tête. Frappe la vitre si l'oiseau est affolé. Ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. Frappe la vitre si l'oiseau est affolé. Ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. J'ai porté ma guitare toute ma vie durant pour ne pas me mettre en rang. Quand arrive l'appel, la belle ribambelle se la case en blanc. Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. Et je n'ai pas compris ni le pourquoi ni le comment. Les hommes font la guerre et les femmes et les enfants. La vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. Sans commentaire, la question monétaire est à l'enfer. La toile de ciment sur la dalle de fer, le carcan de pierre. En temps de paix, j'assimile la colère insidieusement. Pendant ce temps, elle t'attend ta place au firmament. Et je n'ai pas compris ni le pourquoi ni le comment. Les hommes font la guerre et les femmes les enfants. Tourbillonnent les feuilles dans les ruelles au printemps. Souffle, souffle le vent et s'envole tes tourments. L'espoir est un fou qui rit, sans mémoire ni parti pris. Tombe, tombe la poussière dans son cerveau qui s'enfuit. Tourbillonnent les feuilles dans les ruelles au printemps. Souffle, souffle le vent et s'envole tes tourments. Dis-moi où est le courage sur le pont des colibris. Il est parti en voyage sans adresse et sans sursis. Sans sursis, frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. La glace est dure. Les rebelles sont en noir. On peut voir l'espoir au fond de la liberté. Nous étions à la guerre, et quand tout fut fini, nos cœurs s'étaient enfuis dans l'étrange pays où brille la lumière. Dans les morceaux de verre, au palais des miroirs, qui jonchent les trottoirs. Quel étrange pays, on aime et on oublie. Quel étrange pays, dit l'homme à tête de chien. Mannequin de vitrine, accoudé au comptoir, sur les amphétamines, ou tout simplement hagard. Les âmes qui espèrent sont comme des lampadaires. Les rêves qui les brisent sont leurs douces friandises. On ne sait pas pourquoi. L'homme à tête de chien, sous la lune du dessin, l'araignée du matin t'enlève ton chagrin. En attendant que le soir, l'araignée espoir te fasse perdre la mémoire au bout d'un long couloir. une femme maquillée qui fonce dans la nuit, dérape sur la vie, s'écrase sur l'ennui et vole en éclats la vitre de l'auto. La fête tombe à plat, plantée dans un poteau. Son corps éparpillé rêve encore ça et là. Ses souvenirs à la fois sont à plusieurs endroits. Et pimpons les sirènes, pourvu qu'on me comprenne quand je dirai ce que je pense. Au bar de l'insolence, dit l'homme à tête de chien, sous la lune du dessin, l'araignée du matin t'enlève ton chagrin. En attendant que le soir, l'araignée espoir te fasse perdre la mémoire. Au bout d'un long couloir, le réservoir d'essence qui fuit sous l'ambulance. Arrive l'imprudence, une cigarette qui danse. Et tout explose au ralenti dans la voûte infinie. Les néons du paradis font des couleurs si jolies. Dans l'étrange pays, on aime et on oublie. Dans l'étrange pays de l'homme à tête de chien, sous la lune du dessin, l'araignée du matin t'enlève ton chagrin. En attendant que le soir, l'araignée espoir te fasse perdre la mémoire. Et bip bip les antennes tennent, des cellulaires l'air en peine peine. En attendant la mention j'aime aime de vos faces de carême aime. Et bling bling brillent les chaînes chaînes des pimps et des mécènes haine. Pourvu que la descente hante à la hauteur de vos attentes hante. De la fête sanglante hante. De la fête sanglante hante. De la fête sanglante. Entre donc dans son monde, ben, c'est pas compliqué. Tu te laisses aller. C'est comme tous les hiérarchies. Ça c'est quand même assez bizarre. Une hiérarchie. Hein? C'est... Quand t'arrives là, tu sais même pas à quel niveau tu te trouves. Où sont mes amis perdus? Où sont mes rêves oubliés? Au couloir des sans-issue, parmi tous les macchabées, suis-je le seul rescapé? Autour des îles naufrages, il y a eu remue-ménage. Les lettres qu'on a reçues, les pages qu'on n'a pas eues, suis-je le seul survivant? Suis-je mort, suis-je vivant? Il faudrait un témoignage, un médaillon sur la plage, une photo de moi enfant, une photo de moi enfant. J'attends les goélands, ils ont tout vu, assurément. J'attends les goélands qui me diront si j'ai vécu réellement. Des sans-issue, j'ai sauté dans tous les trains sans demander mon chemin. Existe-t-il pour l'instant ce registre des absents? Rien ne servira pourtant de rester le cœur en sang. En prière sur la terre, des milliards d'éphémères, des lucioles en lumière. Assurément, j'attends à la frontière entre le rien et l'univers. J'attends les goélands qui me diront si j'ai vécu réellement. Et rien ne pourra console et du froid, rien que l'oubli. À la salle départ qui continue sans moi, sans savoir qui je suis. Et rien ne pourra me consoler du froid, rien que l'oubli. À la salle départ qui continue sans moi, sans savoir qui je suis. J'attends à la frontière entre le rien et l'univers. J'attends les goélands. J'attends les pieds devant. Jamais voulu faire partie d'un groupe initiatique. Pourquoi? Ben parce que je me considère quand même... Ben à l'époque, là, ça a changé. Je suis beaucoup plus profane, mais avant, j'étais profane. Ben parce que c'était la nouvelle énergie que l'on devait placer de l'avant parce qu'on y croyait. Mais là, il y a eu du changement, là. Si tu restes profane, tu vas te tirer dans le pied. Mais aussi dans le genou, puis dans le tibia. Le troisième tibia à côté du fémur. Mais c'est loin, hein, le tibia, puis le... Mais vous connaissez pas vos membres, vous, là? Hein? Bon. Quand j'étais petit, ma grand-mère disait « Portillon, portillette, franc, franc, franc à la vedette. » Non, c'est pas ça. « Cong, cong, cong, la caboche. » Tourne-toi, mon petit mioche, non, c'est quoi donc? Mais j'ai jamais fait partie d'aucun groupe initiatique, sauf, bien sûr, mais c'est pas un groupe, c'est une appartenance idéologique et musicale assez cohérente. Puis là, tout le monde est excité, comment on fait pour rentrer comme ça dans un endroit aussi privé? Très simple. Très simple. Vous appelez à C'est quoi RL pour devenir membre. Quand vous avez payé votre 25$, vous faites déjà partie de l'élite radiophonique qui vous branche le plus à Québec. Le plus à Québec, le plus à Québec. Puisque tu veux montrer ta différence. Puis t'as aucune gêne. Un autre style musical, une autre façon de voir la vie. Quoique, ça peut, oui, exactement. Ça peut nous amener plus loin avec une autre réflexion. Aujourd'hui, c'est important d'avoir plusieurs arcs, plusieurs tentacules, plusieurs visibilités pour comprendre la complexité de notre monde actuel. Et quand j'étais propane, ça c'est avant 2020, je me croyais là. Je me croyais sérieux et surtout, je croyais avoir trouvé le bon chemin. Puis c'est quand tu te demandes, tu te poses des questions, donc tu réfléchis un peu, là. Tu mets le pour et le contre, hein, c'est un peu comme la balance. Ouais, moi, je suis Gémeaux, là, mais la balance, c'est-à-dire... ben, voyons. Tu mets quelque chose un peu plus à droite, tu vois que ça penche. T'sais, c'est des réflexions, c'est des remises en question, c'est la dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. Ouais, la prothèse, ça, c'est autre chose, là. Avez-vous essayé de vous coller la dialectique dans le fond du palais? Prenez de la colle à dentier, ça tient mieux. Mais il y a un grave problème, là. C'est la synthèse qui veut rien savoir. La thèse, l'antithèse, ça tient bien. Mais la synthèse, on dirait qu'elle est plus lourde que les deux autres, donc ça descend. Puis là, on voit comme un triangle. Tu sais, les triangles amoureux, là? J'ai jamais cru à ça, mais oui, attendez. Je crois, oui, exactement. Mais quand il y a de l'amour, il y en a peut-être toujours un qui aime davantage que l'autre. Et j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'on peut s'aimer également, tu sais, d'une manière longénique. Pas plus, pas moins. Autrement, oui. Mais ça demande quand même une élasticité sentimentale, puis une ouverture amoureuse. C'est pour ça que quand t'as commencé à devenir propane, t'as déjà une grosse avancée sur la majorité du peuple. Puis après, ben là, tu peux embrasser le profane en sachant bien qu'il n'y a aucun ordre initiatique. La tangente, je sais, ça peut, ouais, ça paraît long, hein? Oui, mais c'est juste un... Exactement, c'est le dialogue entre profane puis propane. C'est ça qui m'intéresse. Mais je croyais avoir beaucoup plus de choses explosives à dire là-dessus. Mais c'est comme la phrase « l'appétit vient en mangeant ». Le discours narratif ou le délire narratif vient en parlant. J'ai rien inventé. Gaétane Brisebois, 50 ans d'amour, 25 ans de bonheur, 3 ans d'acharnement, 2 enfants, un chalet à 3 pistoles, une maison à Laval et un appartement à Québec. Pourquoi un appartement à Québec? Parce que là, vous allez me dire, ouais, ben avec CKRL, c'est pas, je veux dire, avec Internet, c'est pas vrai, on peut être à CKRL, on peut écouter CKRL partout. C'est vrai! Mais quand tu te trouves dans la ville où ta radio préférée embrasse tous les auditeurs et auditrices de la ville de Québec, ben là, tu veux, on parlait d'appartenance, tu veux te sentir dans ce lot-là. Lot-là. Lot-là, vous voulez se sentir dans ce lot-là, là. Puis pas ailleurs. D'ailleurs, elle me l'a raconté la semaine dernière qu'elle est très heureuse dans son studio, dans le Vieux-Québec, sur la rue Saint-Ursule. C'est un petit condo. Puis c'est tellement petit là, que son lit, mais c'est vrai, mais j'ai visité, son lit est pliable. Ça fait que tu peux placer ton son lit face au mur. Donc, ça fait plus d'espace. Tu mets une petite table. Ça, c'est quand t'as fait ces petites rencontres. Elle aime ça rencontrer, là. Oh, elle est tellement sympathique, là! Puis pour être certain... Hein? Cette fille-là, pour être certaine que personne quitte avant, parce qu'elle est insécure, hein? Elle sait pas si sa petite soupe au pois va plaire à Gaétan Brisebois. Mais puis elle a peur aussi du résultat de la soupe au pois. Fait qu'elle n'en fait pas souvent. Même chose pour la soupe au chou. Je crois qu'elle aimerait bien ça que Louis de Funès et puis Villeray viennent à manger avec elle, la soupe aux choux. Une petite soirée de hein, des petits vents comme ça d'amour, là. Des petits vents d'amour entre vous et moi. Des petits vents d'amour, ça ne se refuse pas comme au premier jour. C'est le même accord, quelques vents d'amour. Je t'aime encore. Non, mais voyez-vous, quand j'utilise la verbération là, à outrance, on dirait que ça donne mal au cœur. T'as le cœur sur le bout de la baboune. Hein? Non, mais c'est vrai, t'as le cœur sur le bout de la baboune. Prêt à s'injecter, hein? à se tirer par-dessus. Puis elle, elle sait pas là, qu'en bas, là, c'est du plancher. C'est bon. On lui a fait croire que c'était du flottant. Fais-toi-en pas, là. Tire-toi là-dedans, ça te fera pas mal. T'es comme sur l'oreiller. C'est flottant. Mais moi, c'est bien sûr que mon bois l'est. Mais sur le dessus, là, ça reste du bois, madame. Le flottant, c'est en dessous. Donc, vous n'arrivez pas en dessous quand vous tombez par le dessus, là. Comprenez-vous un peu? Plancher flottant dans le sens de flotter vers le dessous, pas par le dessus. Quand tu marches là-dessus, là, c'est pas du sable savonneux. Ou le sable, comment t'appelles ça, non? Le sable dans la chèvre de Pierre-Richard, là. Le sable, ah, que le sable tarde à tomber, non. Le sable mouvant! Puis j'ai lancé la mode dans mon salon. J'ai fait creuser un trou. Non, j'ai pas de concubine. Elle ne va pas aller dans le fond du trou. Non, c'était pour placer. Ben, encore là, c'est mon idée. Mais on en a fait venir d'Égypte. Du sable mouvant. Donc, l'intérêt, c'est de se plonger dans le sable mouvant puis de se laisser tranquillement descendre. Mais là, faites-vous-en pas. On ne peut pas se noyer là-dedans. On ne peut pas mourir. Ah non, c'est juste 4 pieds. quatre pieds collés. Fait que là, c'est, après ça, tu essaies de le décoller pendant toute la soirée. C'est ça le but. Puis autour, là, tu mets de... Du petit chocolat, hein, du porto, de l'eau avec de la glace, un manche à balai aussi. C'est important, le manche à balai, si tu veux sortir. Ah, là, c'est collant, là. Hein? Puis au pire, là, comme c'est 100% sécuritaire, on a mis un petit cellulaire. Puis aussi, un téléphone fixe. Parce que si la pile du cellulaire... Non, mais tu sais, le gars ou la fille qui craint que ça tourne mal... Il y en a de même, hein, du négatif, là. Des madame, monsieur négatif, il y en a-tu? Éloignez-vous de ce genre d'hurluberlu. Parce que ça n'amène que de... Tu sais, l'énergie mauvaise reste. Donc, si tu veux changer puis être plus pimpant à la belote, ce que tu fais, c'est que tu t'entoures de gens comme ça. L'entourage, pour plusieurs, est bien important. Pour les solitaires, ça ne te dérange pas. Tu t'entoures de 3-4 grains de poussière. Hein? Bon, à part de ça, tu t'entoures de quoi? De disques, de DVD, de livres, de pensées, de textes, de narrations. Et quoi d'autre encore? D'une radio, ben oui, on le dit depuis tantôt. D'une radio. Et comme ça, tu peux vivre heureux. In vitam paparman. Mais là, mon idée là, de sable mouvant que j'ai commandé, ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois. Ça vient de loin, ça, là, l'Égypte. Je sais pas comment ça va arriver. C'est sans doute par le transport adapté. Le transport adapté, là. J'ai une tante, moi, là qui restait à Beauport à l'époque. Elle reste encore là, c'est vrai. Et puis, elle avait une maladie... comment t'appelles ça, non? En tout cas, elle était en fauteuil roulant. Puis, exemple, là, je m'en allais le midi. Elle était dans le corridor. Elle est parce que nous habitions dans le même immeuble de 60 logements. Et moi, je prenais l'ascenseur parce que je restais au 4e. Je la voyais en bas. Je disais, ah, bonjour, Renal. Bon, on parlait un peu. Là. Moi, je me quittais. Il était midi. Je revenais à 16h. Elle était encore là. Le transport adapté n'était pas encore passé. Mais là, ça a changé. Et aujourd'hui, là, c'est numéro un. Mais à une certaine époque, t'attendais longtemps. Fait qu'il fallait que tu sois patient. Et là, à 4h, voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il n'est pas encore arrivé. Mais là, est-ce que tu l'as appelé, rappelé? As-tu fait quelque chose? Non, ils m'ont pas oublié. Comment ça, tu dis ça? Ça fait 4 ans, tu sais. Les cellulaires n'existaient pas à l'époque. Peut-être qu'ils ont essayé de te rejoindre à la maison. Ah ouais? Ben oui. Moi, à ta place, là, j'irai voir ce qui se passe. Appelle. Ouais, t'as peut-être raison. Ben là, ça fait 4 heures. Qu'est-ce que t'as fait pendant 4 heures? Ah, j'ai jasé avec le concierge, avec les gens qui sortaient, qui rentraient. Ça déménage au 206, là. C'est à 206, là, s'est fait sortir, là, parce qu'elle a eu des problèmes avec ses maris, hein. Le premier, il payait pas. Le deuxième, il la payait. Puis le troisième, il en profitait. Hey, qu'est-ce qu'on fait de ça? On garde ça, ces gens qui ne veulent que du mal de nous, ou qui veulent surtout, je dis souvent surtout, hein, mais c'est vrai, qui veulent abuser de nous, pauvres pêcheurs. Quoi, Jojo? Jojo de la guitare. À quoi, Jojo? Jojo de la guitare. La solitude parfois est immense, tout plutôt que d'être ce passant qui traverse le temps de temps en temps. Alors je pars à la dérive, mon lit est un navire, un atelier où je vais pour l'éternité. Voyage dans l'instant présent, je ne sais pourquoi je suis si triste. J'aimerais appeler quelqu'un, mais qui Dieu? Je me sens seul, viens, je viens, tout misère. À quoi je joue? À quoi je joue? Je joue de la guitare. Je joue de la guitare. À quoi je joue? À quoi je joue? joue de la guitare. Joue de la guitare. Je sens que j'hallucine et j'ai peur de partir comme un fou vers la mort. Mais j'ai des grands instants de lucidité. J'ai des grands instants de lucidité. Et j'ai des grands instants de lucidité. Et j'ai des grands instants de lucidité. Fuck the system, do it, do it, do it, do it, yeah. Fuck the system, do it, do it, do it, do it, yeah. Fuck the system, do it, do it, do it, do it, yeah. Fuck the system, do it, do it, do it, do it, yeah. Choisir entre tous les gens qui m'entourent. Comment faire le tel point d'amour? Fuck the system, do it, do it, do it. Fuck the system, do it, do it, do it, do it, yeah. Et j'ai des grands instants de lucidité. Et j'ai des grands instants de lucidité. Et j'ai des grands instants de lucidité. J'ai des grands instants de lucidité. Je joue de la guitare. Je joue de la guitare. She wasn't a whore. Rêvait de pardonner, cherchait à discuter. Peut-être qu'elle avait le sida, peut-être qu'elle le disait pas. Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin. J'y vais à tout l'ennui que j'ai, que j'ai, que j'ai, que j'ai. Pleurer oiseau de février, tous les étangs gisent gelés, gelés, gelés. Fuck the system, do it, do it, do it, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. De la guitare. Quoi je joue? Je joue de la guitare. Je sens que j'hallucine et j'ai peur de partir comme un fou vers la mort. Et j'ai des grands instants de lucidité. Et j'ai des grands instants de lucidité. Et j'ai des grands instants de. Et j'ai des grands instants de lucidité. Il y a les sirènes qui chantent. Qui chante, chante les marées. Il y a les sirènes qui chantent. Qui chante, chante les noyés. Vers les îles. Vers les îles. C'est le temps d'embrasser les fleurs de cimetière. C'est le temps de mourir. À la guerre comme à la guerre. C'est le temps de partir. Faisait pas beau de whore. Do it, do it, do it. À la guerre comme à la guerre. Dans son silence, un poisson lune. Philosophe est au fond des brumes. Mais jamais Nemo ne saura les noires pensées du poisson chat. Dans son silence, un poisson lune. Philosophe est au fond des brumes. Mais jamais Nemo ne saura les noires pensées du poisson chat. Les sous-marins se font la guerre. Sous les tropiques du cancer. Mais jamais Nemo ne saura les noires pensées du poisson chat. Encore. Mais jamais Nemo ne saura les noires pensées du poisson chat. Ni choisir entre tous les gens qui m'entourent. peut pas l'ignorer, c'est du génie bord en bord. Tu sais, fais attention les coins, toi, là. Parce que le génie peut se piquer là-dessus, puis s'envoler, ça, c'est comme un ballon. Une sphère de latex gonflable, communément appelée balloon, qui se souffle, mais en même temps, si tu le prends sur le coin, ça peut péter. Ça peut péter comme ma belle-sœur. Rita Lafontaine dit Rita Bibelot dit Rita tout court. Mais là, à un moment donné, elle avait ras-le-bol. Elle en avait ras-le-bol de son mari parce qu'il l'ignorait. Ils étaient mariés depuis au moins 28-29 ans. Bon, les premières années, ça va bien. Les quatre premières années, hein, c'est après que ça se gâche. Mais là, se gâcher de même, là, elle croyait même pas, elle. Elle se demandait même si c'est sa vision de cet homme-là qui s'était modifié dans son cortex cérébral. Plus elle essayait de voir là-dedans dans sa vie, plus elle a fait une recherche. Mais là, une recherche, tu sais, sans trop le savoir. Puis là, elle se demandait qu'est-ce qui était, lui, plus jeune pour en arriver à ça. Puis après ça, encore plus intéressant, qu'est-ce que j'étais, moi, jeune pour arriver aussi à ça? Fait que là, ça demande une, j'en ai parlé il y a quelque temps, une régression. Réfléchir sur ce qu'on était. Puis moi, c'est bizarre, avec les années, on dirait que ça vient de ça. J'ai même pas à faire un retour en arrière comme au cinéma. C'est le retour en arrière qui se présente à moi. En tout cas, il y a des flashs comme ça qui nous arrivent. Elle me fait rire, cette fille-là. Et puis, donc, quand on parlait de flash, pourquoi on parlait de flash, madame? Notre appareil photo était à terre. Ben, penchons-nous et prenons-le. Ça va faire des belles photos, ça. Préférez-vous la plongée ou la contre-plongée? Ah ah! Quand on n'est pas photographe, on ne sait pas ce que ça veut dire, plongée ou contre-plongée. Mais c'est pas juste en photographie, ça. C'est en cinéma. Bon, alors, si vous vous placez... Hein, qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qui vient de tomber? Ah, c'est ma souris. Si vous venez de tomber, pas de tomber, mais si la caméra, parce que c'est ma souris qui vient de tomber, si ma caméra est par terre et monte, OK, tu fais juste prendre l'appareil et tu le montes vers le sujet, là, on appelle ça une plongée. Mais quand tu veux présenter... Et ça montre le personnage plus grand que nature, d'une force herculéenne. Tu sais, tu peux délirer là-dessus. Et quand tu prends la caméra et tu la places au-dessus du comédien, donc tu as une contre-plongée. Donc, ça diminue le personnage. Ça le rend plus... moins certain, ça le rend plus diminué, ça le rend presque coupable. Coupable de quoi, madame? C'est juste un plan de caméra. Mais les plans de caméra, c'est comme la vie. Oh, attention, la petite phrase clé. Oui, est-ce que pouvez-vous prendre un crayon et un papier, s'il vous plaît? Parce que là, il va sortir quelque chose, on ne sait pas quoi. Oui, vous dites, la caméra! C'est comme... Qu'est-ce que vous voulez dire? La caméra, oui. La caméra, c'est comme la vie. C'est une ouverture vers le monde. Oh, ouais. Il me semble qu'on a déjà dit ça ailleurs, là. J'ai cru lire ça dans Le Monde imaginaire. L'homme imaginaire de mon ami. L'homme imaginaire, c'est de... Et c'est si bon. L'homme imaginaire... 1940 et j'avais acheté ça, je l'ai encore, l'homme imaginaire, puis vous à part ça, imaginaire, ça se passe bien, oui, imaginaire, ok, on va savoir c'est qui, l'homme imaginaire, l'homme caméra, édition minuit, c'est la version que j'ai, et c'est de, Edgar Morin, ben oui, Edgar Morin. Je sais pas s'il est encore vivant, le grand Edgar Morin. Je crois que non. Hey, ça, c'est plaisant d'avoir un gars qui va toujours vérifier. Non, mais écoutez, c'est notre source. C'est notre source, Edgar Morin, de, oui, de connaissances. C'est quel homme intéressant et brillant. 1921, il est né en 1921. Il est toujours vivant. Wouhou! C'est un sociologue. Et puis, il a aussi travaillé médiologue aussi et philosophe français. Penseur de la complexité, il définit sa façon de penser comme co-constructive en précisant « c'est à ce que je parle de collaboration du monde extérieur et de notre esprit pour construire la réalité. » C'est quand même pas mal, là. C'est-à-dire que je parle de la collaboration du monde extérieur et de notre esprit pour construire la réalité. Que dire de plus? Edgar Morin. Ça veut dire que aujourd'hui, un être qui réfléchit sur notre monde doit être vu, doit être apprécié comme un prophète des temps modernes. Un prophète, là, dans le sens que lui a emmagasiné toute l'histoire du monde, hein, connaît toute la stratégie humaine et peut projeter. Donc, c'est comme un devin. Il nous amène sa vision à lui, parce qu'il peut avoir tout faux, mais au moins, il propose quelque chose. C'est mieux que certains qui restent là, assis, à écouter, sans rien dire. Eux autres, ils ne se trompent pas. Il y a Brel qui disait « Je préfère me tromper que de me taire. » Et au vent qui emmènera la fumée de ma cabane en bois, je lègue ma philosophie et aussi toutes mes idées de génie. Et enfin à toi, le passant qui passera, je te lègue ma porte au bas. Je te préviens tout de suite, l'amour n'existe pas. Au loin les flammes, avant d'aller plus loin, je voulais juste vous dire que Edgar Morin, pour revenir là-dessus, sur lui, pour rebondir, comme on dit dans le milieu des médias, pour rebondir, mais le ballon aussi, hein, dit ça, pour rebondir. L'élastique, pour rebondir. Le bolo, pour rebondir. En tout cas, pour rebondir, Edgar Morin, en 2019, a écrit 4 livres. La Marseillaise, La fraternité, pourquoi? Chronique d'un été, qu'il a coécrit avec Jean Rouch, celui qui, je ne sais pas s'il est encore là, mais il est dans un théâtre qui s'appelle Le Rond-Point. Je ne sais pas s'il est encore là. Chronique de moi avec Jean Rouch. Peut-être que je me trompe, là. Je sais pas si c'est... Ouais, je crois que c'est Jean Rouch. Et puis, les souvenirs viennent à ma rencontre. Et en 2020, il vient de terminer il vient de publier un nouveau livre qui s'appelle, et j'adore le titre, « Quelle école voulons-nous? » Point de décoration. Moi, là, les points de décoration... Ouais, je veux bien avoir chez moi plein de points d'interrogation, parce que c'est beau. Hein? Il y a comme le petit ventre vers le bas, puis qui grossit la bédaine comme une femme enceinte, et ça se termine en bas avec whoop, une petite rondelle, comme si le bébé venait au monde. C'est-tu beau de l'imaginaire de même, hein? C'est merveilleux. Ça donne le goût de... Ça donne le goût de... Et puis, quelle école voulons-nous? Point d'interrogation. La passion du savoir. Et ça, c'est coécrit avec Jean-Michel Blanquier. Enlevez le « i ». Jean-Michel Blanquier. C'est ça que je voulais vous dire. Il a aussi fait des films et blablabla. Plein de trucs. Aujourd'hui, le lundi... Mais c'est intéressant de savoir, hein, de faire des liens comme ça. Aujourd'hui, le lundi 3 février 2020, L'errance rénadienne présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de notre ami, à plusieurs surnoms, Sarclo ou Sarcloret, dépendant de son humeur ou dépendant des années. Ça a été une rencontre humaniste extraordinaire. Un gars provocateur, à la Falardeau, Pierre Falardeau. Il y avait un peu aussi de... Mais le ton est particulier. Les trois volets le seront également. Donc, 100% Sarclo à partir de maintenant, ou Sarcloret. Il vient de sortir un opus hommage à Bob Dylan. En fait, il traduit les textes de Bob Dylan. Il va tout nous raconter ça. Alors, on s'ouvre le cœur, l'esprit et la provocation sur notre ami Sarclo, dit ou Sarcloret. À toi, mon Sarclo! Es-tu prêt? Mais, ah oui, OK, c'est vrai. On parle pas très fort. On est chez lui. OK. Bonne émission. Voici Sarclo ou Sarcloret. Maintenant. Thank you. jour se lève, il est triste et beau. Le jour se lève, il est triste et il est beau. Le jour se lève, mais il est triste et beau. Et tu vas devoir te lever bientôt. Il est triste et beau, et tu vas devoir te lever bientôt. Et tu vas devoir te lever bientôt. Puisque la bouche est gâchée, il suffit pour vos assiettes d'une usine de viande hachée aux trois coins de la planète. La paroisse est cathodique et la goutte de sang choque les petites catholiques, les amis des bébés phoques. C'est le regard des cloportes de ceux qui n'auront pas joui, le renfermé qui l'emporte, le non plus fort que le oui. Les jeunes cadres ont les chocottes, ils travaillent tard dans la nuit. Les dames de gauche tricotent pour les bébés sahraouis. L'argent, c'est pas difficile, il suffit d'y penser tout le temps. Ça transforme en crocodile et ça tue quelques enfants. Pour ceux qui sont sans papier, on a trouvé des cartons. Pleurer n'est pas un métier et le vin ne rend pas mignon. Les jeunes cadres ont les chocottes, ils travaillent tard dans la nuit. Et les dames de gauche tricotent pour les bébés sahraouis. N'a aucune envie d'en finir avec l'angoisse, d'offrir un sens à la vie, de faire partager la poisse. Le gars connaît son boulot et sans un remerciement surfe sur les plans sociaux les vagues de licenciement. Les jeunes cadres ont les chocottes, ils travaillent tard dans la nuit. Et les dames de gauche tricotent pour les bébés sahraouis. C'est le regard des cloportes de ceux qui n'auront pas joui, le renfermé qui l'emporte, le non plus fort que le oui. Je me suis retourné tout à l'heure sur une fille marchant dans la rue, qui avait des Roberts sur le cœur, qui m'en ont foutu plein la vue. Elle avait rien sous son sweater, elle était toute ronde et menue. Je l'ai aimée comme un voleur, elle s'en est pas même aperçue. Encore une fille qui passe, et c'est mon cœur qui casse. Ces filles en balade, ça me rend malade. Toutes ces filles qui traînent mon cœur à la traîne. Oh, la rue pleine de vie. filles, c'est les filles. J'aurais voulu choper ses mains, j'aurais voulu pouvoir lui dire. J'aurais dû lui parler de rien, je voulais pas la voir partir. Mais j'étais pas sur son chemin, j'ai pas même pu voir un sourire. Elle est partie vers ses gamins, vers son meilleur ou vers son pire. Encore une fille qui passe, et c'est mon cœur qui casse. Ces filles en balade, ça me rend malade. Toutes ces filles qui traînent mon cœur à la traîne. Voir la rue pleine de vie, c'est les filles, c'est les filles. Je me suis tiré vers mon boulot, canalisé par le trottoir. Mais j'avais sa paire de Lolo qui me trottait dans la mémoire. Ça m'a fait un moment jojo, un petit moment sans désespoir. On va voir passer ses ballots, ont l'air tristes comme des vieux mouchoirs. Encore une fille qui passe, et c'est mon cœur qui casse. Ces filles en balade, ça me rend malade. Toutes ces filles qui traînent mon cœur à la traîne. Par la rue pleine de vie, c'est les filles, c'est les filles, c'est les filles, c'est les filles. J'en connais deux là, sur cette photo-là. Ben oui, c'est ça, j'en connais deux. Tu connais qui? La belle Garance et toi. Garance que j'ai rencontrée il y a 3 ans. Puis les autres, non, je ne connais pas. Johanna, c'est spectaculaire. C'est, ah, une, oui? femme, c'est une femme d'une valeur folle. Et c'est une grande dame. Toute grande dame. Puis eux vont faire 20 minutes. Non, non. Ce soir, il y aura Manu Galure, moi, Garance et Petit Déj. Okay. Elle est restée à Grenoble. Okay. Lui, il a un spectacle, je ne sais pas où. Okay. Et Garance et Stéphanie, elle vient de se faire opérer d'une merde. Mais elle sera là pour. Ils seront là au festival. Ok, ouais, ok. Ouais. Elle aussi, même si elle s'est fait opérer. Elle sera au festival. Oui, elle s'est fait opérer avant-hier. Elle sera au spectacle. Oui, oui. Pas ce soir. Non. Ben là, non. Ok. Est-ce qu'on peut commencer à parler Tout ce que okay. tu veux. Ah, mais Sarclou, je suis très content de te rencontrer parce que c'est un événement. Ouais. Et la première radio communautaire francophone au monde. Et on a amené les radios libres, tu sais, comme la Radio Libertaire, toutes ces radios-là, ouais. En France, au début. Nous, on existe depuis 1974, les radios libres en 80. Et moi, je t'ai connu avec Je fais des bébés. C'est ça, Je fais des bébés, la chanson. Ouais. J'aime la vie, je fais des bébés. Ouais. Est-ce que tu la reprends encore, celle-là? Ça m'arrive, oui, je l'ai chantée hier. OK. Et puis... Moi, je suis passé chez KRL, c'est KRL il y a... Oui. 25 ans. Oui, parce que tu fais une idée. Une idée, c'est une idée. Tu identifies la radio. Ouais. Tu dis bonjour, c'est Sarclerin. Et ouais. Là, il y a la chanson où je fais des bébés. Et tu dis, j'écoute CKRL, le 89. Et ben, nous, on a suivi des artistes. Et moi, je t'ai connu grâce à CKRL. On a toujours été fidèles avec les chanteurs français, suisses, belges, pas juste français. Hein, parce que la francophonie, c'est aussi le Québec. Hein, Et ben, toi, tu es originaire de la Suisse, Genève. Qu'est-ce qui t'a amené à vivre ici? Ben, j'ai rencontré Mélanie, puis on a capoté, oui. Ouais. T'as capoté? Oui. Ouais, t'as capoté bien dur. Ouais. T'as capoté bien dur. Mais à l'origine, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique? À 13 ans et demi, il faut toujours compter les et demi, c'est très important. 13 ans et demi, j'ai fait un truc chouette à l'école. On a joué l'histoire du soldat, Ramus Stravinsky. Ok, oui. Et le théâtre, le texte avait beaucoup d'importance, et la musique avait beaucoup d'importance. Et puis après, j'ai fait du théâtre un peu amateur avec toutes sortes de gens à Genève, jusque vers 19-20 ans. Puis j'ai réalisé que les gens qui faisaient du théâtre ne me convenaient pas du tout. Et j'ai arrêté la scène, j'ai arrêté l'idée de scène, et j'ai commencé mes études d'architecture. Mais j'avais une guitare sur l'armoire. J'ai fini par compléter les cordes qui manquaient à la guitare et j'ai commencé à essayer d'en jouer un petit peu. Et j'aimais beaucoup Dylan. Et si tu veux, j'avais dit aux gens qui faisaient du théâtre, je vous emmerde. Je ferai du théâtre au coin du feu quand je trouverai le coin du feu, mais pour le moment, ça m'emmerde. Et puis, le coin du feu pour faire du théâtre, c'est une chanson. Pour moi, c'est un truc juste. C'est un théâtre juste au sens où quand tu fais une pièce triste, elle dure 2 minutes et demie, et après tu peux faire une pièce drôle. Quand tu fais une pièce con, elle fait 2 minutes et demie, après tu peux faire une pièce intelligente. Quand tu fais une pièce douce, de 2 minutes et demie, tu peux faire une pièce en colère après. Et les gens, ils gagnent. Ils gagnent sur le plan du langage. Il n'y a pas une trame sur tout le spectacle, mais il y a une trame sur le langage du spectacle. Et j'aime bien ça. Le grain des choses, il est bien en place grâce à la chanson. Et la chanson, c'est pas tellement la musique, je suis pas un grand musicien du tout. La chanson m'a toujours préoccupé beaucoup. Je savais tout Brassens par cœur quand je recevais un disque de Brassens. Et j'étais jeune au moment où les disques de Brassens sortaient. Si tu veux. Je suis un contemporain de la sortie des disques de Brassens. Et c'était l'époque où j'allais à l'école, et si j'avais pas toutes les chansons du disque par cœur dans ma tête, j'arrêtais de travailler, jusqu'à ce que j'ai tout par cœur, j'arrêtais de travailler à l'école, si tu veux. Ça m'a fait louper quelques années. Mais ça t'a fait apprendre par sens et le langage, et les métaphores, et la subtilité de la langue française. Oui. Brassens, c'est un... C'est un chanteur français, vraiment. Au sens où les chansons françaises sont construites avec une espèce de logique presque d'instituteur. Tu sais, il aimait bien, il aimait la poésie très concrète. Et tu vois, Paul Fort, Le Petit Cheval Blanc, machin. Les choses simples, c'est un poète du lisible. C'est un poète du visible, du lisible. Ouais. Et puis, du concret, ouais. du facile à comprendre. Tandis que Dylan, par exemple, c'est un poète de l'allusion, c'est un poète de la chose cachée derrière la chose, cachée derrière la troisième. Métaphore plus que ça, parce que les métaphores, il y en a aussi chez Brassens, mais si tu veux, chez Dylan, il y a des métaphores qui font irruption et qui viennent d'un endroit que tu ne comprends pas, dont tu ne comprends pas l'origine. Ah. Et puis ensuite, à chaque ligne, il y a un univers qui bouscule l'univers de la ligne d'avant. Quand on lui demande pourquoi il y a tellement d'éléments dans « Hard Rain Is Gonna Fall », il dit « On n'aura peut-être pas le temps d'écrire toutes les chansons qu'on veut, alors là, j'ai commencé une chanson par ligne. » C'est une boutade, mais c'est une boutade qui marche bien, au sens où, effectivement, à chaque ligne, tu permets aux gens de décoller vers quelque part différent. Et puis, à la fin de la chanson, tu t'aperçois que tout se rassemble un peu, se rassemble parce que c'est ensemble dans un même espace de temps, et que pour finir, et ben, toutes les images qu'il y a dans Tambourine Man, elles sont dans Tambourine Man, elles font Tambourine Man, mais elles ne sont pas cohérentes, elles ne créent pas un récit. Créent un sens, en tout cas. Elles elle constitue un sens au final qui est pas explicable, et tant mieux, tu vois. Il te fait admettre l'inexplicable. Je l'ai marqué dans mon... J'ai fait un petit bout de texte où je disais ça de Dylan. Dylan a regardé le monde et l'amour comme une blessure chaude, comme une blague vexante, comme la motte de terre vibrante de vie qui se regarde tomber dans sa propre tombe. Il nous a fait ce cadeau riche et drôle et désabusé de nous montrer ce qu'il y avait à ne pas comprendre, à juste admettre et entrevoir. Il a eu cette liberté de ton, de regard et d'attitude qui a fait de certains d'entre nous des gens plus simples. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu renonces à comprendre, tu gagnes en simplicité. Voilà, oui. Tu t'ouvres aussi. Voilà ce que je pense. Et c'est un peu le reproche que je pourrais faire à la chanson française, entre guillemets, c'est qu'elle ne te donne pas beaucoup de rêverie aussi compliquée que ce qu'offre Dylan. C'est pour ça que je me suis mis à traduire Dylan après avoir chanté mes chansons. Perd de sa clarté, dans la rue les chiens aboient. Quand la nuit va vraiment tomber, les chiens ont perdu la voix. Tout ce silence est un accroc dans mon esprit et ses éclairs. C'est que je suis un matin de trop et 1000 kilomètres en arrière. L'œil vague qui tourne autour du carrefour en bas vers l'entrée. Je vois la pièce où mon amour et moi nous nous étions couchés. Sur les panneaux, sur les trottoirs, sur la rue, mon regard se perd. C'est que je suis un matin de trop et 1000 kilomètres en arrière. Cette fringale qui m'attire et je sais qu'elle ne nous vaut rien. Alors que toute chose que je peux dire, tu peux toi la dire aussi bien. Si j'ai raison dans mes sanglots, tu n'as pas tort dans tes prières. Tous deux nous sommes un matin de trop et 1000 kilomètres en arrière. It's a restless, hungry feeling that don't mean no one no good. On everything I'm saying, you can say it just as good. You're right from your side, and I'm right from mine. We both just want too many mornings and 1,000 miles behind. Bonsoir, on va vous parler du grand soir. On va vous expliquer pourquoi il faudrait manger les bourgeois. C'est une solution radicale pour un monde un peu moins bancal. Les nouveaux riches sont plus sincères, ils savent mieux s'envoyer en l'air. À part peut-être MC Solar, qui doit bien planquer sa Jaguar et sa gourmette de chez Cartier, qui fait chelou dans son quartier. Voyez-vous, les riches sont des cons, je peux vous le dire, je suis de la maison. Je n'ai rien contre le pognon, c'est super pour les commissions, pour le produit national brut et quand on est sous pour les putes. Avec des talbins plein les fouilles, on peut pas vous casser les couilles. Mais quand la banque fait des conneries, y'a plus un radis, c'est fini. Se retrouve à la rue, sont pas fichus de bouger leur cul. n'ont jamais rien fait de leurs dix doigts. Forcément, ça rend maladroit. Voyez-vous, les riches sont des cons, je peux vous le dire, je suis de la maison. La misère font en sorte que les gens normaux aient toujours leur compte à zéro. Y en a plein l'université pour planifier la pauvreté, pour garder le contrôle du savoir bien au milieu de leur belle mangeoire. Et y a des riches plein les cimetières, ils ont des jolies tombes en pierre que les pauvres peuvent même pas s'offrir, et ça donne pas envie de mourir. Voyez-vous, les riches sont des cons, et je peux vous le dire, je suis de la maison. Amis du saucisson, bonsoir, on va vous parler du grand soir. On va vous expliquer pourquoi il faudrait manger les bourgeois. C'est une solution radicale pour un monde un peu moins bancal. On va les faire aux petits oignons, gardez-moi les filets mignons. Voyez-vous, les riches sont des cons, et je peux vous le dire, je suis de la maison. Voyez-vous, les riches sont des cons, consultez-moi pour la cuisson. C'est pour ça que j'aime un gars comme Bernard Adamus, parce qu'il me fait décoller entre les 3-4 fois où il chante « Va falloir que je parte le moteur parce que c'est déjà l'aube, oui. Je suis enfargé le cœur sur Fulton Road », toutes les strophes qui sont mieux. Tu sais pas vraiment de quoi elle parle, mais au fond de la chanson, tu as compris ce qu'il t'a raconté. Ça raconte une histoire. Ouais. Mais il te le raconte. Les Brides raconte quelque chose, voilà, ouais, de souvent surréaliste. Mmh. Mais... Est-ce que c'est toi-même qui traduis Dylan, ou si tu as pris aussi Hugo Frey qui en a traduit un peu Hugo Frey a travaillé beaucoup avec l'œuvre de Dylan. Il y en a quelques-uns au Québec. Il y a Richard Séguin. Mais Richard Séguin, c'est un peu... c'est un peu collé sur Hugo Frey. Ou si tu fais ta propre traduction? Alors, les traductions d'Hugo Frey, elles sont de 1965. Oui. Et la traduction, ça vieillit. C'est-à-dire qu'on change de façon de parler le français... Mm-hmm. On change de façon de réfléchir à la musique, et la façon dont lui interprétait Dylan, c'est très simple. C'est pas ce gain en folie dont okay. Je te parlais tout à l'heure. Ça simplifie pas mal. Et en plus, il a tendance à rapprocher les gens de Dylan en allant les chercher dans son public, c'est-à-dire en utilisant son imaginaire, ses trois mâts et son bordel, puis le troupeau de rennes qui arrive là-dedans. Il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments simples, qui n'ont rien à faire avec Dylan. Et moi, j'ai repris une chanson que je trouve bien traduite de son bazar, j'ai repris Cauchemar psychomoteur, qui est très drôle, c'est une bonne chanson de sa part, et moi je la chantais déjà en français de sa version. Puis après, j'ai relu le truc en anglais et je me suis dit, mais là, c'est vraiment faux. F-A-U-X, c'est faux. Alors, comment est-ce que je peux corriger ces fautes? Et j'ai corrigé les fautes. Et puis, il y a un professeur d'université de Valenciennes qui fait sa thèse sur la traductibilité de Dylan, qui tombe sur ma traduction corrigée de Cauchemar psychomoteur et qui me dit, c'est beaucoup meilleur parce que c'est plus vrai, mais il manque cette dimension et cette dimension. Et je regarde, et je comprends ce qu'il veut dire, et je lui dis, ben je vais y travailler, et j'y ai travaillé, puis ensuite je lui ai soumis, puis il m'a fait du retour, et puis on a fait du ping-pong. Et au début, j'avais changé une petite vingtaine, une quinzaine de vers dans la traduction du Gaufret, de Pierre Delanoë, parce que c'est Pierre Delanoë qui traduisait pour Gaufret. Pierre Delanoë, d'ailleurs, ne savait pas l'anglais. Et Hugo Frey racontait à Pierre Delanoë ce qu'il y avait dans la chanson, et après Pierre Delanoë faisait un texte français avec ce que tu vois. Et j'avais changé une quinzaine de vers, et maintenant il en reste à peu près un tiers de ce qu'il avait fait qui reste dans ma chanson, dans ma traduction. Et je n'en veux pas du tout à Hugo Frey, mais bon, il y a des gens qui te disent Hugo Frey a fait découvrir Dylan aux francophones. Mais Dylan est aussi connu au Japon, en Finlande et à Buenos Aires qu'en France. Donc personne ne peut rien faire pour Dylan. Tout le monde peut, comme moi, se servir de Dylan pour avoir du boulot de traduction, du boulot de scène. Moi, je suis très redevable à Dylan de mes chansons, parce que dans mes chansons, il y a déjà beaucoup pompé dans sa façon de faire, dans son imaginaire, dans sa façon de poser la scansion sur le verbe. Sur le verre. Et maintenant, je suis redevable à Dylan parce que ça me donne du taf d'aller vers les gens avec des chansons qui sont plus grandes que moi et qui me ressemblent plus que les miennes, et que je les fais en français. Je fais les chansons de Dylan. Mais alors, ce sont des traductions qui sont rigoureusement toutes de moi et à moi. À part ce cauchemar psychomoteur où j'ai pris des morceaux de Gaufret, je crois qu'il y a quelquefois des petits bouts de phrases qui glissent de sa traduction vers la mienne. Parce que je l'ai fait depuis 20 ans ou 40 ans, puis que ça transite tout seul. Et puis de toute façon, c'est normal, quoi, parce que tu traduis, tu tombes quelquefois sur la même chose. Mais vraiment, l'idée, c'est de faire des choses plus. C'est pas le mot authentique, si tu veux, plus cru, plus méchante. Tu sais, dans ses chroniques, Dylan dit « Je suis allé voir le Drei Göschen Oper, l'opéra de Katsu de Brecht, qui avait été mis en scène à New York, et sa copine Suze Rotolo était la costumière de la troupe. Et il est allé voir et il dit « J'ai compris dans ce spectacle ce qui pouvait nous faire aller plus loin que Woody Guthrie. » À savoir, Kurt Weill et Brecht mettent du poison dans les chansons. Maki a un couteau, et on ne voit pas le couteau. Et on voit que Maki va tuer quelqu'un, et on sait que Maki est un salaud, mais on est content de voir le couteau sortir et de voir le couteau tuer quelqu'un, parce que c'est le poison qui fait plaisir. Et alors, Dylan dit, je continue d'aimer beaucoup Woody Guthrie, mais on peut faire aller la chanson plus loin en mettant du poison dedans. Et alors, si tu veux, c'est une espèce de participation européenne à la chanson américaine qui est celle de Woody Guthrie, de Pete Seeger. Toute cette chanson un peu brave comme ça, qui était avant Dylan, et puis Dylan, d'un coup, il tombe sur Allen Ginsberg et il tombe sur Brecht. Et il complique la poésie, il amène une façon de slammer dans le texte qui préfigure le rap, qui préfigure The Last Poets. The Last Poets, ils ont inventé le rap, mais ils ont beaucoup pris chez Dylan. Ah oui. Et ça, c'est le début de la Big Generation aussi. The Last Poets, c'était 1970. Ah non, mais tu parles de Ginsberg. Oui, ça c'est la beat. Tout à fait. Je te voyais, je t'entendais plutôt parce que c'était à la radio dans les années 80. Tu étais beaucoup plus, plus stressé, là, on te sent calme, apaisé. Mais j'ai 68 ans. Oui, mais OK. Mais c'est vrai que dans les années 80, lorsqu'on t'entendait à la radio, t'étais... on dit chez nous stressé, puis aujourd'hui on sent que t'es comme le Félix Leclerc sur son île d'Orléans, très calme, très posé, très réfléchi. T'étais beaucoup plus superficiel peut-être dans les années 80, non? Non pas au niveau de l'écriture, mais au niveau de la vie, t'étais plus Tu sais, J'ai fait une tournée en Suisse avec Jim Corcoran et Bob Cohen. Oui. Je leur ai fait une douzaine de dates avec moi. Et la condition que j'avais mise à faire le boulot pour organiser ça, c'est que Bob fonctionne avec moi une demi-heure sur les concerts. Et ensuite, j'ai revu Bob et j'ai eu le prix Miroir à Québec, c'était quoi, en 99. Ouais. Avec Bob, on a fait un spectacle entier, les deux au bar Le Doteuil. Et on avait fait une heure de répétition la veille et je lui avais chanté les chansons dans la voiture pour faire Montréal-Québec. Et après, à Québec, on avait fait La Balance et après, on avait fait le concert et on a pris Le Miroir de la chanson d'expression francophone d'un coup. Les soirs où tu sens les noisettes, t'es belle comme un bord de néon. Et je t'aime à fond les manettes, à fond les ballons. Et des matins tu sens les cendres et puis la flotte qui est tombée dessus. Alors là, je t'aime à pierre fendre, à bride abattue. À des moments, tu sens les sous-bois, la bicyclette neuve, le beurre frais. Là, je pourrais faire n'importe quoi, mais c'est toi qui le fais. Et tout d'un coup, tu sens la mousse et le bouchon d'un vin nouveau. Et je t'aime à la va comme je te pousse, attire l'arigot. Si tu veux que je t'aime comme il faut, t'as qu'à sentir les haricots. Si tu veux pas que je t'aime comme un con, t'as qu'à pas sentir aussi beau. Si tu veux que je t'aime poliment, il faut pas sentir la jument. Le soleil, le sel, le hareng, le gravier, les vieux papiers, les appartes après les vacances, les cœurs de salade, la pâte d'amande, le bois tout neuf pour une charpente, tu sais, les chevrons à poser, la sule, l'huile de tronçonneuse et tout le Bataclan, le maïs, la saucisse, le pain d'épices. Qui s'amène le matin, les toutes premières gouttes sur un chemin, les après-midi vers les blés, le pinard et les nouveau-nés. J'y peux rien si tu sens la vie et toutes ces conneries. J'y peux rien si tu sens la vie et toutes ces conneries. Bon bah j'y peux rien si tu sens la vie et toutes ces conneries. J'y peux rien si tu sens la vie. Mamie, ne quittez pas ma vie sans avoir entendu deux mots. Ne partez pas, je vous en prie. Ne condamnez pas mon culot. Si mon regard vous déshabille, c'est qu'il est nu comme un sanglot. Que ma vie s'écroule et m'ennuie. Que je cours après les morceaux. Je voudrais savoir le prénom qu'on vous dit quand on vous connaît. Je voudrais entendre le son de vos rires et de vos regrets. Je suis jaloux de vos voisins qui vous voient le printemps venu ouvrir vos volets le matin, vous croyant un peu dévêtu. Oh, mamie, ne quittez pas ma vie sans avoir entendu des mots. Ne partez pas, je vous en prie. Ne condamnez pas mon culot. Si mon regard vous déshabille, c'est qu'il est nu comme un sanglot. Que ma vie s'écroule et m'ennuie. Que je cours après les morceaux. Je voudrais savoir la lumière de vos gestes, de vos regards. Quand vous criez nu en guépière, quelques réalités sans phare. Déjà tout ça n'est pas très drôle, mais si en plus on doit finir sans vous, ça fait beaucoup pour les épaules. On va mourir carrément fou. Oh, mamie, ne quittez pas ma vie sans avoir entendu des mots. Ne partez pas, je vous en prie. Ne condamnez pas mon culot. Si mon regard vous déshabille, c'est qu'il est nu comme un sanglot. Que ma vie s'écroule et m'ennuie. Que je coule avec les morceaux. Mamie, mais vous quittez ma vie. Je n'ai j'ai pas pu vous dire un mot. Vous partez mais je vous en prie, vous prendrez bien quelques sanglots. Emportez un regard qui vrille, allez-y j'en ai tout un lot. Un peu de ma vie qui s'ennuie, je n'ai vraiment aucun culot. Vous partez mais je vous en prie, vous prendrez bien quelques sanglots. Un peu de ma vie qui s'ennuie, je n'ai vraiment aucun culot. T'habitais une ville en béton, t'avais pas souvent du pognon, ta vie c'était pas du coton. Remedio, Remedio, tu m'as dit que j'étais qu'un petit con, parce que je faisais des chansons, je faisais pas la révolution. Maïe, man, pour Remedio, Remedio, je ne suis pas dans ces histoires, c'est vraiment pas la mer à boire, si je suis encore seul ce soir. Oui, yeah, man, pour Remedio, Remedio, je sais qu'il faut dans ma braguette. J'ai mes besoins pour faire la fête, quand je me touche la caquette. Remedio, Remedio, ton papa était espago. Il avait des gros biscottos, ça le connaissait le boulot. Remedio, Remedio, tu m'as dit que j'étais qu'un salaud. Tu m'as dit que j'étais qu'un falot. Tu m'as pas montré tes lolos. Ma, yeah, ma, pour Remedio, Remedio, si tu veux pas ma chansonnette, je ne vais pas perdre la tête. Il y a la ressource du poète. Oui, yeah, ma, pour Remedio, Remedio, je ne suis pas dans ces histoires. J'ai besoin pour faire la foire que le mastic et la pétoire. La fille qui nous sert à bouffer avec un sourire du tonnerre. Son mari suisse est décédé avant la date réglementaire. Y'en a qui voudraient la garder, ils ont aucun sens des frontières. C'est pas la peine de discuter, on a des lois tout à fait claires. Les amis qu'elle a sont ici, on la renvoie dans un pays qu'elle a pas vu depuis 10 ans. Dans un pays qui rétrécit, y'a rien à faire pour les mamans. Le gars qui nous fait nos maisons, on lui a piqué sa truelle. On la lui rendra dans l'avion, mais d'abord un tour en Opel. Avec sa fille et ses garçons, c'est vous dire si la vie est belle. Il faisait ça pour du pognon, c'est des gars qui ont toutes les ficelles. Les amis qu'ils ont sont ici, on les renvoie dans un pays dont ils connaissent plus les saisons. Dans un pays qui rétrécit, y'a rien à faire pour les maçons. La blague aux grands yeux qui rigole, son père a été débouté. On la verra plus à l'école, Albert finit par s'en goûter. C'est une leçon de rock'n'roll, y'a rien à faire, rien à lutter. Le cœur gros, l'avion qui décolle, elle est trop jeune pour épouser. C'était tout juste une bonne amie, on la renvoie dans un pays où on bousillera ses parents. Dans un pays qui rétrécit, y'a rien à faire pour les enfants. C'était tout juste une bonne amie, on la renvoie dans un pays où on bousillera ses parents. Dans un pays qui rétrécit, y'a rien à faire pour les enfants. Après, j'ai demandé à Bob de faire des concerts avec moi. Il est venu jouer à Avignon. Et après Avignon, on est allé enregistrer un disque. Est-ce que tu as ce disque qui s'appelle Des tendresses et des cochoncetés? Non. Je vais te le donner. Merci. Je vais te le donner parce que c'est très important de dire au Québec, vous avez ce Bob Cohen qui a fait les tendresses. Bob Cohen est quand même connu oui. D'un million underground. C'est ouais. Certain que... Je vais te donner ce disque, c'est probablement mon meilleur disque. Mais tu vois, ce gars-là, de jouer avec moi. À l'époque, en 80, quand je jouais avec des musiciens, ils me disaient « Chef, laisse, la musique, c'est nous qu'on s'occupe. Okay. Occupe-toi de faire le chanteur. » Et puis, alors, je faisais le chanteur, puis j'en faisais trop. J'écrivais des... Ah, c'est des, ça. Tu vois, alors, t'étais pas toi-même sur scène. T'étais comme... J'étais pas responsable de ce qui se passait du point de vue du son, du point de vue des notes, etc. Et là, j'ai un peu simplifié mon truc. Je suis seul à la guitare et je commence à jouer un peu convenablement. Je m'aperçois de la paresse qui était la mienne à l'époque où je me sentais prétentieusement à la hauteur pour me mesurer à tous les gens en disant bah, « je fais des plus belles chansons que vous ». Mais tu as fait aussi une tournée avec trois Suisses, je crois que c'est dans les années 2006-2007, vous étiez trois Suisses en tournée, là. Oui. Oui, en 2006, oui. Ah ben voilà. Avec Simon Gerber et le Bel Hubert. Exactement, exactement. Et j'ai entendu des captations pirates. Et c'était très intéressant. C'est très beau. Très intéressant. On était, Simon et moi, on est le meilleur groupe de Bel Hubert. Et Bel Hubert est un très bon chanteur. Hein? C'est grâce à ce spectacle-là, à mon avis, Bel Hubert a mis ses chansons dans les meilleurs, les plus beaux habits. Ouais. Et puis, Simon Gerber, c'est un grand musicien. C'est un type, il m'a produit un disque comme producer musical. Oh. Et il a produit les siens. Il a été le bassiste de Sophie Hunger pendant okay. beaucoup d'années. Oh. C'est un très, très joli musicien. Et puis, il a écrit quelques chansons très, très bien. Et puis après, il s'est beaucoup calmé sur le fait d'écrire des chansons. Mais... au moment où on faisait ce spectacle Les Trois Suisses, les plus belles chansons de Simon Gerber, elles étaient dans le spectacle. C'était vraiment sympa. Puis les belles chansons de Bel Hubert, ça l'était bien. Et puis moi, si tu m'en demandes de faire que 6 ou 7, ben elles sont bonnes, parce que c'est les moins mauvaises. Donc ça faisait un spectacle qui avait un certain niveau. Il y avait de très belles choses. Ouais. Oui. Mais t'aimes ça aussi t'entourer depuis quelques années. Avant, tu faisais cavalier seul avec des musiciens, mais là, t'aimes te retrouver en groupe, en troupe. Comme ce soir, il va y avoir plusieurs personnes. Tu veux... C'est un peu différent. Ce soir, on est des artistes qui faisons chacun notre truc. Oui. Et on va pas être ensemble non, sur le plateau. Non, mais tu aimes quand même le côté colonie, groupe. Ça, c'est parce que j'ai créé ce théâtre et il faut qu'il s'y passe des choses et puis il faut que ça serve à développer des projets des gens. Si tu veux, il y a une nana qui arrive chez moi. Tu vois cette image-là, c'est... Oui, je l'ai regardée, discrètement tantôt. C'est Ariane, c'est une copine. Ok. Et alors c'est la fille dont je parle dans le spectacle sur Dylan, dont mon vieux copain Bob Dylan et moi, on était amoureux d'elle. Quand elle était chef ten des Louveteaux et nous on allait faire Jean et Hugo Frey au temps du feu au camp à Garges-lès-Gonesse et au bord de la Worcester Sauce River. Et Ariane, c'est une amie qui est morte d'un cancer et je lui ai dit je vais mettre ta gueule sur les t-shirts et tu seras la Che Guevara du 21e siècle. Elle m'a dit d'accord, vas-y. Elle savait qu'elle était en train d'y passer. Elle nous disait je vous emmerde, j'ai la foi, ça m'est égal de mourir, je mourrai quand je serai pendant que je suis pas encore trop mort, je sais très bien. Et si tu veux, où est-ce que j'en étais? Oui. Il y a combien d'années? Il y a un an et demi, deux ans. Okay. Elle avait plein de copains Facebook et une de ses copines Facebook habitait à Paris, c'était une Suissesse de Paris aussi. Et elle m'écrit, oui, écoute, je suis sur un projet de spectacle, j'écris des alexandrins pour raconter mon anorexie quand j'étais adolescente. Puis je lui dis, ben écoute, viens à la cuisine, on parlera d'Ariane, et puis tu me montreras ton texte, et puis je te dirai si tu peux en faire quelque chose. Et en fait, dans son spectacle, c'était le projet, c'était d'avoir Jérémy Kisling, qui est un autre chanteur suisse. Jérémy Kisling, qui lui a composé deux ou trois chansons et qui était sur scène avec elle pour faire le personnage masculin qui va avec le personnage anorexique. Et puis alors, moi je me disais, si à Jérémy, c'est probablement que ça a un certain niveau, parce qu'il écrit bien, c'est un joli chanteur. Si il se mouille là-dedans, je peux me mouiller aussi, je vais voir un peu ce que c'est. Et puis elle est venue. Et puis je lui ai dit, bon écoute, Il y a pas mal de passages bien écrits, mais il manque ça, ça, ça, ça, ça et ça. Il faut que tu densifies ça, il faut que tu construises comme ça, ça, ça, ça. Et puis il faut que tu aies un metteur en scène, j'ai un copain à te proposer. Et puis il faut que tu le mettes en scène quelque part et tu vas travailler ça ici. Et ce lieu est devenu le porte-avions de ce projet, tu vois. Ici, là. Ouais. La salle à côté. Oui, ici, là, ouais. Et si tu veux, moi ce que j'ai gagné là-dedans, c'est que j'ai eu une nana qui m'a loué le théâtre à un moment. Ça m'a fait de la location, c'est pas des grosses sommes si tu veux, mais j'ai rien gagné d'autre que ça à faire ça, mais c'est ça que je veux faire avec ce théâtre. Tu lui as dit, ça pourrait faire, tu l'as trouvé. Joli garçon, tu l'as écrasé dans tes affaires à la maison. Mettrais-tu ta main sur sa pine en cas qu'il ait le cœur qui se débine? Lui ferais-tu des baisers dans le cou si son cœur aurait des coups de mou? Mettrais-tu ta main sur ses couilles en cas qu'il ait le cœur qui pétouille? Passerais-tu tes doigts dans ses cheveux s'il y aurait du mou dans la corde à nœud? Je dois te le dire, la main sur le cœur, ça peut servir en cas de malheur. Tu lui as dit, les éléphants roses, tu les prends plus à la maison. Ça nous fait des soirées moroses, et t'as raison. Lui mets-tu la main sur la pine quand il a le cœur qui se débine? Lui fais-tu des baisers dans le cou quand son cœur a comme un coup de mou? Lui mets-tu la main sur les couilles quand il a comme le cœur qui pétouille? Lui passes-tu les doigts dans les cheveux quand il y a du mou dans la corde à nœud? Je dois te le dire, la main sur le cœur, ça peut servir en cas de bonheur. Ah, que le monde est mal fichu, mais il n'a jamais rien foutu. Il voyait des nichons partout. Il voyait des nichons partout. Non, mais c'est vrai, le vieux monde est pourri. Et l'argent est trop cher. À 10%, comment faire une affaire? Tu parles d'une cochonnerie. Ah, que le monde est mal fichu, mais il n'a jamais rien foutu. Il voyait des nichons partout. Il voyait des nichons partout. Ah, disait-il en tapant sur la table, je peux plus finir mes saucisses. Je ne saurais souffrir tant d'injustices. C'est trop épouvantable. Ah, que le monde est mal fichu, mais il n'a jamais rien foutu. Il voyait des nichons. Voyez des nichons partout. Putain, dit-il écoutant son moteur, un bruit de passe-légumes. Ma vieille R12 va nous faire un gros rhume si je mets pas d'huile tout à l'heure. Mais il n'a jamais rien fichu et sa vieille bagnole a fondu. Il voyait des nichons partout. Il voyait des nichons partout. Vous allez dire ce type est un sans-corps, monstre d'indifférence. Comment peut-il assumer nos souffrances et laisser couler son moteur? Si le monde est si mal foutu, c'est qu'il n'a jamais rien fichu. Si sa vieille bagnole est fichue, c'est qu'il n'a jamais rien foutu. Mais il y avait des nichons partout. Oh bah ça, il y avait des nichons partout. Il y avait des nichons partout. Ah là là. Il y avait des nichons partout. Mmh. publicité tapageuse a séduit Madame Martin. Des soldes fort avantageuses la firent lever de bon matin. Chaussettes 1,40 francs, liquette 1,90 francs. Liquette 1,90 francs, je crois que ça va être possible, bravo. Elle va par un soleil blafard prendre un bus déjà bondé. Pas un sourire, pas un regard, tout le monde est désabusé. Le bus à présent c'est 90 et pour les enfants c'est 40. Le bus à présent c'est 90, pour les enfants c'est 40. Elle sort à la place du Mollard, elle voudrait bien prendre un café. Mais elle veut aller sans retard, acheter à très bon marché. Des chaussettes 1,40 francs, des liquettes 1,90 francs. Des chaussettes 1,40 francs, des liquettes 1,90 francs. C'est impeccable. Elle va y parvenir enfin, mais dans une chute fâcheuse. Elle tombe, c'était le destin, piétiné par une foule envieuse. De chaussettes 1,40 francs, de liquettes 1,90 francs. De chaussettes 1,40 francs, de liquettes 1,90 francs. Envoie Jésus miséricordieux, toi qui toujours fus si sage, tu prendras parmi les heureux cette victime du grand passage. Glaïeul à 2,40 francs, Myosotis à 2,90 francs. Glaïeul à 2,40 francs, Myosotis à 2,90 francs. Chers amis, si. Si je vous. Si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.